Chapitre 2. Après la vente de son château, M. de Garmantes s'était d'abord soigneusement confiné au pavillon, sans vouloir se commettre avec cette famille de parvenus dont la roture opulente insultait à sa noblesse nécessiteuse. Mais il est bien difficile à la campagne d'échapper à la tyrannie du voisinage. Le raffineur lui fit une visite qu'il fut obligé de rendre, pour ne pas avoir l'air de bouder, ce qui eût été de mauvais goût. Madame Passemart le reçut avec déférence, en ayant l'air de lui demander pardon. Elle présenta timidement sa fille Andrée et son fils Maxime. Le comte n'aimait point la solitude, car il n'avait que ses souvenirs pour la peupler. Et c'est à 50 ans une triste revue que celle de ces ombres qui défilent confusément, procession de spectres impalpables sous le fond obscur du passé. Heureux de voir d'autres visages que la face tannée de son vieux garde, M. de Garamante se montra bon prince, et oubliant qu'il avait devant lui ces marchands de sucre dont les millions avaient exproprié sa pauvreté, renonça au parti pris de politesse froide et hautaine dont il avait résolu d'abord de ne point se départir. Une invitation à dîner suivit de près cette visite. Elle fut acceptée. Peu à peu, des relations régulières s'établirent entre le pavillon et le château. L'hiver suivant, il daigna, non sans s'être un peu fait tirer l'oreille, honorer de sa présence une petite fête que les Passemart donnèrent dans leur hôtel du boulevard Malesherbes. Quelques jours après, le hasard de sa flânerie ayant conduit M. de Garamante du côté de Saint-Augustin, il se rappela qu'il devait une visite à ses voisins de campagne. Le salon où il fut introduit était une de ces grandes pièces dont l'ameublement sans caractère convient indifféremment à un ministère, à une mairie, à la salle de conversation d'un hôtel ou au salon d'attente d'un dentiste américain. Grand rideau de damas rouge aux fenêtres, chaises, canapés et fauteuils recouverts de la même étoffe, pendules, candélabres et lustres en bronze doré, tables et chiffonniers de boules, tout était riche, lourd et laid. Après quelques minutes d'attente, M. de Garamante se leva en bâillant, puis jeta un coup d'œil indifférent sur quelques tableaux encore garnis de leurs numéros d'exposition. Ces toiles où, sous prétexte d'impressionnisme, le dessin, le coloris et la composition étaient remplacés par un badigeonnage multicolore, n'arrêtèrent pas longtemps le comte qui, à défaut d'éducation d'artiste, s'était fait, comme beaucoup d'hommes du monde, un certain dilettantisme dont les jugements ne manquaient ni de goût ni de finesse. Décidément, se dit-il, ce rustre de Passemart a commandé ses tableaux au tapissier qui lui a fourni les meubles. Et il promenait son regard ailleurs autour de lui, avec la satisfaction légitime de l'homme que son esprit venge de sa pauvreté. À ce moment, une porte s'ouvrit et Madame Passemart entra dans le salon. C'était une grosse femme rougeaude, boursouflée et toujours haletante. Sa robe de satin noir, couverte de jais, eût peut-être été belle sur les épaules d'une autre. Sur les siennes, elle accusait seulement, de façon disgracieuse, le conflit inquiétant d'une gorge trop opulente et d'un corsage trop étroit. Il y avait dans son regard cette arrogance qu'on prend quelquefois en devenant millionnaire, avec je ne sais quel reste d'humilité inquiète, dont certains parvenus ne peuvent jamais se défaire, et qui est la rançon de leur insolence. En voyant M. de Garamante s'incliner devant elle avec beaucoup de bonne grâce, cette personne considérable parut fort embarrassée, ébaucha un sourire qui voulait être aimable, bredouilla d'une voix entrecoupée un « Monsieur le comte » et se mit à souffler bruyamment. L'essoufflement était la forme ordinaire de sa timidité. « Excusez-moi, madame, de n'avoir point choisi votre jour pour venir vous présenter mes hommages. Je passais sous vos fenêtres et je suis entré. » « Monsieur le comte, après l'honneur que vous nous avez fait d'assister à notre petite réunion de famille... »« Petite réunion? Fête charmante, voulez-vous dire ?»« Oh, c'était bien sans façon, » minonna-t-elle, avec cette modestie vaniteuse qui fait qu'on baisse les yeux tout en se rengorgeant. « Mon Dieu, madame, je ne sais pas au juste ce que vous appelez réception sans façon, mais je vous jure que cet orchestre tzigane jouait à ravir, que le monologue a eu beaucoup de succès... » et que vous nous avez donné un souper qui fait honneur à votre chef et à la cave de M. Passemart, qui, sans doute, c'est aussi ce que prétend Veloutine de la soirée parisienne, qui a, je ne sais comment, entendu parler de notre petite fête et qui, paraît-il, en a dit hier quelques mots dans sa chronique. Le comte réprima discrètement un sourire furtif qui vint voltiger sur sa lèvre. Ce n'était pas un parisien comme lui qu'on en faisait à croire. Il connaissait fort bien l'industrie de la célèbre veloutine. « En effet, madame, j'ai lu l'article au cercle après déjeuner. On m'a fait l'honneur de me nommer parmi vos invités. » Madame Passemard rougit légèrement, toussa un peu, agita un éventail et avec un sourire forcé. « Vraiment, ces journaux sont d'une indiscrétion. »« Bon, ils sont faits pour cela. » »« Je reproche seulement à la soirée parisienne de n'avoir pas assez dit avec quel talent mademoiselle votre fille joue de la cithare. » « Il est vrai, c'est un instrument bien distingué, n'est-ce pas, monsieur le comte, la cithare ?»« Très distingué, madame. » »« André ne joue pas mal et vraiment, je ne me repens pas de lui avoir donné Mazzolini pour professeur. C'est que, voyez-vous, nous sommes, ce Passemoire et moi, ambitieux pour notre André. »« Vous avez raison, madame. » »« Oh, vous ne la connaissez pas. Vous ne l'avez vue qu'à la campagne et combien de fois ?»« 2 ou 3, au plus. » »« Mais à la campagne, ce n'est pas son milieu. » Elle s'y ennuie. C'est Paris qu'il lui faut, et le monde, et le théâtre surtout. Mademoiselle, votre fille aime beaucoup le théâtre. Si elle l'aime, ah, grand Dieu, oui. Et nous l'y menons tant qu'elle veut, la bonne chérie. Mais vous ne savez donc pas qu'André joue la comédie comme une actrice, comme une vraie actrice? C'est un beau résultat. Je le crois bien, et qui fait honneur à son professeur de diction. Figurez-vous que, dans les premiers temps, la petite coquine ne voulait pas vibrer. Vous savez, comme au français. Parfaitement, madame, j'ai un peu connu autrefois une petite actrice de l'Odéon qui... Oh, mais à l'Odéon, ce n'est pas du tout comme au français. On vibre de l'aluette, c'est très commun, c'est faubourien, tandis que du bout de la langue... Et mademoiselle, votre fille, vibre du bout de la langue? Oui, monsieur, mais il en a fallu du temps, et de la peine, et des exercices. « Tenez, savez-vous le vers que son professeur lui avait donné à étudier pour se délier la langue ?»« Robert, de roc en roc, grimperas-tu, rarum ?»« Eh bien, pendant 2 mois, elle a comme qui dirait fait des gammes avec sa langue sur ce vers-là. J'en devenais folle. Heureusement, la petite a une volonté de faire, comme son père. Là où la facilité lui manque, l'entêtement la sauve. Ainsi, la peinture ne lui allait pas, d'abord. »« Comment ? Mademoiselle, votre fille s'occupe aussi de peinture ?»« Mais oui, pourquoi pas ?» Cela se fait beaucoup. Elle a même exposé l'année dernière. Tenez, ces 3 tableaux sont d'elle. Je les admirais en entrant, fit galamment le comte, sans savoir que la main qui les avait peints fut la même qui me charmait il y a quelques jours en jouant de la cithare. Mes compliments, madame. Avec une telle variété de talents, mademoiselle votre fille mériterait de vivre en un temps moins prosaïque que le nôtre. Tiens, c'est justement ce qu'elle me dit toujours, et son père est d'avis qu'elle a bien raison. Voulez-vous que je vous dise? Moi, je trouve qu'elle donne trop dans les arts. Je voudrais la voir sortir un peu de ses livres, de ses pinceaux, de ses cahiers de musique, car enfin, il faudra bien, n'est-ce pas, qu'elle se marie un jour ou l'autre. On n'est déjà plus une gamine. Et dame, une maison à tenir, surtout comme celle qu'elle aura, ce n'est pas commode. Mais, bah, on ne m'écoute pas, ni le père, ni la mère. Et je crois bien qu'au fond, on me trouve un peu terre à terre. Qu'en pensez-vous? Dites-le-moi franchement. « Mon Dieu, madame, il m'est fort difficile de vous répondre. Je connais à peine mademoiselle André, mais elle me paraît être une jeune personne accomplie. Je comprends fort bien que l'amour-propre paternel de M. Passemard soit délicieusement flatté de cette réunion de talents, dont un seul suffit d'ordinaire, aux jeunes filles du monde. Peut-être aussi avez-vous raison de souhaiter que les arts d'agrément, cultivés avec tant de succès par mademoiselle votre fille, ne prennent pas tout son temps, et qu'une instruction solide... » Elle se redressa superbement et dit avec fierté, « Monsieur le comte, ma fille a passé ses examens. » « Oh, alors tout est pour le mieux, » fit-il avec une imperceptible nuance d'ironie. Ils en étaient là de leur conversation quand la porte du salon s'ouvrit. Hector Passemard rentra, suivi d'un grand jeune homme que le comte se souvint d'avoir aperçu au Charmy quelques mois auparavant. « Monsieur le... mon cher voisin, » dit M. Passemard en se reprenant vivement, « charmé de vous rencontrer. » Il secoua la main que le comte lui tendait. « Permettez-moi de vous présenter mon jeune ami Jacques Henriot, » il ajouta en regardant le comte dans les yeux et en scandant les mots. « Un travailleur, monsieur. Un garçon de grand mérite qui veut être, comme moi, le fils de ses œuvres. » Le jeune homme s'inclina légèrement devant le comte avec cette politesse fière qui ne s'apprend pas. « Monsieur de Garamante, » continua Passemard en s'adressant à Jacques, « notre voisin de campagne, qui m'a vendu les charmis. »« Mon Dieu !»« Oui, monsieur, » dit le comte à Jacques avec son beau sourire. « vous voyez en moi un ci-devant châtelain réduit à la portion congrue, un simple pavillon de chasse. Les temps sont un peu durs pour les anciens châteaux historiques. À propos, mon cher monsieur Passemard, est-il vrai que la betterave ne donne pas cette année ?» Le raffineur unissait, comme beaucoup de millionnaires, l'orgueil du capitaliste à cette mauvaise honte des parvenus qui ne peuvent pas souffrir qu'on paraisse trop bien connaître la source de leur fortune, même quand elle n'est pas impure. Il se disait volontiers fils de ses œuvres, mais n'aimait pas à préciser, et trouvait dans le vague même de l'expression quelque chose de solennel qui le flattait. Il crut donc entrevoir dans la question du comte une pointe de malice, que ce grand maître dans l'art du persiflage discret n'était pas incapable d'y avoir mise, et feignit de n'avoir pas entendu. « Où est donc André ? » demanda-t-il à sa femme brusquement. « Dans sa chambre, je crois. » « Non, à l'atelier, » interrompit Jacques. « Eh bien, aie donc l'obligeance d'aller lui dire que nous sommes au salon. » « Monsieur Henriot est de vos parents ?» demanda le comte à Madame Passemard quand le jeune homme fut sorti. « Non, mais il est l'enfant de la maison, le camarade de mon fils et de ma fille. Monsieur Passemard lui sert de père depuis plusieurs années car le pauvre garçon est orphelin. Et que fait-il ? » ?»« Rien, c'est-à-dire de la peinture. Il est élève de l'école des beaux-arts. » « J'aurais préféré le voir entrer dans l'industrie, » reprit Passemard, « car je m'intéresse à lui comme à l'unique enfant de mon vieux contremaître Henriot. Mais pas moyen. Il veut être artiste et n'a pas le sou. Enfin, n'importe. Il a 25 ans sonnés. Débrouille-toi, comme disait mon père. Je sais bien qu'il a des dispositions, qu'il travaille et que la peinture commence à faire vivre son homme, mais c'est égal. Au fond, c'est un métier de gueux. » « Je vous trouve sévère. Madame, ne me disait-elle pas tout à l'heure que vous étiez fière du talent de peintre de mademoiselle, votre fille ?» Il eut un mouvement de surprise indignée. « Ah ça, est-ce que vous trouvez par hasard que ce soit la même chose ?» Puis avec un gros rire qu'il cherchait à rendre fin. « Voyez-vous, moi, je suis un homme pratique et je n'apprécie pas beaucoup la peinture. Seulement, je ne puis pas dire le contraire, ça me flatte que ma fille soit en état de mettre un de ces bons hommes-là sur ses pieds. » Il montrait du doigt un des tableaux que le comte avait examiné en entrant. « Quant à en faire son métier, halte-là, j'aime mieux mes betteraves. » Il insista sur betteraves afin de bien marquer qu'il avait compris la malice du comte. La porte s'ouvrit et Jacques Henriot entra. Il avait l'air un peu penaud. « Eh bien, » dit Madame Passemard, « et André ?»« André travaille en haut, comme je vous le disais. Elle a changé de toilette en rentrant et ne peut pas descendre au salon. »« Allons bon, » dit Monsieur Passemard en éclatant de rire. Elle aura mis son costume de travail et n'ose pas se faire voir. Alors c'est nous qui allons la surprendre dans son perchoir. « Mon ami !» s'écria Madame Passemard. « Monsieur, » dit tout bas Jacques Henriot d'un air de supplication douloureuse qui n'échappa point au comte et piqua vivement sa curiosité. « Eh bien quoi ? Qu'est-ce que vous avez à me regarder tous les deux ? Ne faut-il pas que je fasse visiter ma maison à Monsieur de Garamante ? Allons, mon cher voisin, le tour du propriétaire. » Le comte eut un moment d'indécision. Évidemment, cette visite domiciliaire déplaisait fort à Madame Passemard et à Jacques Henriot. Devait-il se prêter à la fantaisie vaniteuse du raffineur ou bien exaucer, en prenant congé, le vœu muet que formaient, on en pouvait douter, la femme et l'ami de Passemard? La curiosité l'emporta sur la galanterie. Son instinct d'observateur, qui ne sommeillait jamais tout à fait, s'était éveillé depuis un instant. « Allons, je vous suis avec plaisir. » « Ne faudra-t-il pas prévenir, André ?» hasarda timidement Jacques Henriot. « Et pourquoi donc ? Une fois pour toutes, mon garçon, mêle-te donc de ce qui te regarde, » répliqua durement M. Passemard. L'expression d'une vive contrariété parut sur le visage du jeune homme. Le comte, qui suivait avec intérêt le jeu de sa physionomie mobile et expressive, crut à voir l'altération soudaine de ses traits, le sillon profond qui se creusa entre ses deux sourcils brusquement rapprochés, que le jeune homme allait oublier le respect dû à un protecteur. Mais sur un signe effrayé de Madame Passemard, Jacques ne répliqua point et s'enveloppa dans une sorte de résignation muette qui donnait on ne sait quel charme de mélancolie à sa mal-beauté. « Tiens, tiens, » pensa le comte, « ce grand garçon a du sang et de la volonté. Il est vraiment fort bien. » On sortit du salon. Et Passemard se mit en devoir de faire consciencieusement admirer à M. de Garamante le confort de son hôtel. Il vanta successivement les tentures en satin bleu de son petit salon, les portières d'Orient de son antichambre, Du Daghestan, mon cher voisin, du vrai, inusable. Son billard à bandes américaines commandé à New York. Ne me parlez pas des billards français. Le buffet de sa salle à manger qui venait de Florence. Oh, oh, ces Italiens, il n'y a que pour travailler le bois. La suspension, l'argenterie, la vaisselle, tout. Il s'épanouissait à faire ainsi l'inventaire de sa richesse devant la pauvreté d'un autre. Madame Passemart, qui depuis la petite scène du salon boudait son mari, ne tarda pas à désarmer. Elle approuvait de la tête, donnait les prix, s'essoufflait à ouvrir les placards, époustait les moulures des meubles avec son mouchoir en maugréant contre la poussière des appartements de Paris. Et le comte assistait, avec son sourire bienveillant et quelque peu railleur, à ce branle-bas d'opulence bourgeoise qui se faisait en son honneur. « Voici maintenant mon cabinet de travail, » dit Passemart avec une certaine solennité. Le comte y remarqua sur la cheminée un buste de la République. « Oh, oh, je ne vous savais pas si républicain, mon cher monsieur Passemart. » Il coulait un regard narquois vers le ruban rouge qui s'étalait à la boutonnière du raffineur. « Et pourquoi pas ?» répondit l'autre avec assurance. « Sans doute, je n'ai pas cru pouvoir refuser la croix que le gouvernement déchu m'a offerte. Mais j'ai toujours été un homme de progrès, toujours. Et je ne vois pas pour quelle raison je ne me serais point rallié aux institutions sagement libérales que la France s'est données. « Croyez que je n'y vois aucun inconvénient ?» répliqua M. de Garamante. « Oui, l'ordre dans la liberté et la liberté dans l'ordre, voilà mon programme. »« Il est simple et net, » dit le comte sans sourciller. « Sans doute, mais ce n'est pas le vôtre, j'imagine, car vous devez être un chevalier du droit divin, vous, monsieur le comte. » C'était la première fois qu'il employait cette formule depuis le commencement de l'entretien, et M. de Garamante remarqua qu'il la prononçait avec un peu d'affectation. « Mon cher monsieur Passemart, nous ne nous occuperons pas pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, du droit divin. C'est une question complexe, comme le suffrage universel. Réservons-la et achevons plutôt la visite de votre charmant hôtel. » « Très volontiers. Jacques, sais-tu par hasard si Maxime est rentré ?»« Je ne pense pas. Il est allé aux courses et je doute qu'il en soit déjà revenu. » « Monsieur, votre fils aime beaucoup le cheval, madame. » « Hélas, monsieur le comte, bien moins encore que les courses. » « Oui, » dit Passemart d'un air satisfait. « Maxime est un de nos sportsmen les plus distingués. Fait-il courir ?»« Non, mais je ne dis pas qu'un jour... »« Tu n'y penses pas, Hector ?» interrompit brusquement Madame Passemart. « Ce serait de la folie. »« Et pourquoi donc ? Est-ce que Derieux, le petit de Roqueplan, ne font pas courir ?»« Tu n'y connais rien, ma bonne. Cela pose un jeune homme dans le monde. Ça lui donne une situation. On parle de lui, enfin. » « N'est-ce pas, mon cher voisin ?»« Mon Dieu !» reprit le comte. « Il y a beaucoup de manières de faire parler de soi. L'une d'elles est, en effet, d'entretenir une écurie de course. Mais il y en a d'autres. Qu'en pensez-vous, monsieur Henriot ?»« Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas d'opinion sur ce point. »« Oh, ce n'est pas Jacques qu'il faut consulter, » s'écria Passemart. « C'est un dédaigneux. Hors de la peinture, de l'art, comme il dit, point de salut. »« Allons, monsieur de Garamante, préparez vos jambes. » Nous allons monter au perchoir de ma fille. C'est encore un étage. Je ne vous en fais pas grâce, car vous allez voir ce que j'ai de mieux ici. »